إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Et on commence donc avec l'explication aussi de Cheikh Salih Al-Fawzan de ce livre de l'imam Ibn Taymiyyah. Et il s'intitule, les commentaires de Cheikh Al-Fawzan sur ce livre s'intitule التعليقات التوضيحية التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية. Donc c'est un livre يعني qui a été expliqué par plusieurs d'entre les ulama, et parmi ces ulama il y a يعني Cheikh Salih Al-Fawzan. Il a fait l'introduction de ce livre et il a expliqué يعني dans l'introduction il y a tous les fondements et les principes أهل السنة والجماعة au sujet de la foi en les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un livre très important et il réfute les shubuhat des mutakallimin, les gens de kalam. Parmi eux il y a bien entendu les jahmiya, les mu'tazila, les asha'ira, les maturidiya. Donc on est arrivé à l'endroit où Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah explique que yani, la parole des gens qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et bien cette parole qu'ils disent, il nous a expliqué dans le cours précédent qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça signifie réellement. Hein, et on a expliqué qu'en réalité, c'est comme s'il disait que il ne faut pas affirmer ce qui est mentionné dans les textes et qu'on n'a pas besoin de la révélation, qu'il faut se baser uniquement sur la logique et sur notre propre compréhension, notre propre raison. Ce qui est affirmé par notre raison, il faut l'affirmer, et ce qui n'est pas affirmé par notre raison, eh bien ça dépend. Hein. Soit on lui donne une autre signification, ou soit on nie la connaissance de sa signification, puis on prétend que c'est pas ce qui a été voulu par l'attribut elle-même ou par le sens du texte. On a expliqué que c'était les deux voies de ces gens de bid'ah, la voie du ta'wil et la voie du tafwid. Et on a expliqué donc que c'est ça leur exemple, et que si on prend leur parole et qu'on l'amène jusqu'au bout de ce que ça signifie, eh bien, ça aura la signification, en fait, ou ça voudra dire, en fait, que pour eux, la révélation, c'est yani, une source d'égarement pour l'humanité. Que, yani, on aurait été mieux sans la révélation pour connaître Allah. On se serait uniquement basé sur la logique. Hein, pour eux, selon ce qu'ils disent, ça implique que yani, la révélation est une source de problème pour les hommes, une source d'égarement dans la connaissance de Dieu. Et ça, c'est clair que c'est de l'égarement total. Maintenant, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne qu'il a lu ça, hein, il a lu cette parole, ces propos-là, tels quels dans les paroles des gens en question, yani parmi les gens de l'égarement. Il dit « وَهَذَا الْكَلَامِ قَدْ رَأَيْتُهُ صَرَّحَ بِمَعْنَاهُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ » Donc il dit cette parole, j'ai vu yani un groupe d'entre eux qui ont dit ce sens-là explicitement, hein, qu'on n'a pas besoin de la révélation, et que la révélation c'est de l'égarement, et que si on prend les textes dans leur sens, eh bien que c'est du kufr. Ils sont allés loin dans cette parole-là. Donc ensuite le cheikh il explique, il dit وهو لازم لجماعتهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات الله بصفات من أرسله وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهنة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به. Donc le cheikh explique, il dit, donc c'est qu'est-ce qui est ça, c'est la position en fait de leur groupe, et ils sont ils n'ont pas le choix de dire ce qui est impliqué par ce qu'on a mentionné au dernier cours, du fait que selon, si on prend leur parole dans son sens, qu'on l'amène à sa conclusion, eh bien ça impliquera que pour eux la révélation est une source d'égarement, et qu'on ne doit pas se référer à la révélation mais plutôt à la logique, à la philosophie des Grecs ou des choses de ce genre. Et il dit donc, Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, il dit وَلَا يُصَرِّحْ بِهَذَا الْكَلَامِ مِنْهُمْ الَّذِي لَا يُصَرِّحْ بِهَذَا الْكَلَامِ مِنْهُمْ يلزمه لزوما لا محيض عنه حيث لم يجعل المرجع الكتاب والسنة. Donc le cheikh il explique, il dit celui d'entre eux qui ne dit pas cette parole là explicitement, eh bien c'est impliqué de sa part, c'est comme si c'est impliqué dans ses propos, et il ne peut pas s'en échapper. Il ne peut pas s'échapper de l'impliquer. C'est-à-dire que même s'il ne le dit pas, mais c'est ce qui est impliqué par sa voix, du fait qu'il n'a pas fait du Coran et de la Sunna la référence à suivre dans la religion. وَمَضْمُونُهُ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ لَا يُهْتَدَى بِهِ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ. Donc, qu'est-ce que ça implique, leur parole, ça implique qu'on ne doit pas se baser sur le livre d'Allah, et que ce n'est pas dans le livre d'Allah qu'on retrouve la guidance pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ سَلَّمْ مَعْزُولٌ عَنِ التَّعْلِيمِ وَالْإِخْبَارِ بِصِفَاتِ اللَّهِ. Et que selon eux, le messager, il est séparé, et il est enlevé de l'enseignement et de l'information au sujet des attributs de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsque les hommes ont une divergence ou un problème dans la compréhension de la religion ou de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, eh bien ils ne doivent pas renvoyer ces divergences-là ou ces désaccords-là à Allah et à son messager, mais plutôt ils doivent les ramener à ce que les gens faisaient, ou à ce à quoi les gens le renvoyaient dans la jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam. Comme par exemple, la logique, la philosophie, les trucs de ce genre. Et, wa ila ma yatahakamu ilayhi man la yu'minu bil anbiya. C'est-à-dire, et ils prétendent qu'on doit le ramener à ce que les gens qui ne croyaient pas au prophète ramenaient leurs divergences dans ces questions-là. Hein, et qu'est-ce qu'ils utilisaient comme jugement dans ces questions-là? C'est-à-dire, yani, la logique, la philosophie et les trucs de ce genre. Et il dit, comme les Barahima, c'est yani, comme les Brahmanites, hein, ceux qui suivent la religion des hindous, l'hindouisme, ceux qui adorent ou qui croient en Brahman, et les philosophes, et ce sont les mushrikoun, les idolâtres parmi les majus, et certains d'entre les sabi'in, ceux qui adoraient les étoiles, hein, et les constellations et des choses de ce genre, qui adoraient des statues et des images, et ainsi de suite. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة. Même si le fait de ramener les divergences qu'ils ont dans les questions religieuses, lorsqu'ils les ramènent à la philosophie, même si ça les augmente encore plus en divergence et ça les augmente encore plus en problème dans la compréhension. Et que ça n'enlève pas du tout la divergence qui existe entre eux. Il dit, وَإِنْ كَانَ هَذَا الرَّدْ Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, وَإِنْ كَانَ هَذَا الرَّدْ الَّذِي رَدَّ بِهِ الشَّيْخ عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ لَا يَزِدُهُمْ إِلَّا عِنَادًا وَشِدَّةً فِي التَّمَسُّكِ بِآرَائِهِمْ. Donc, le Cheikh, lui, il explique que, il dit que ça veut dire, dans le sens que, même si cette réputation, c'est-à-dire la réputation de Ibn Taymiyyah ne fait que les augmenter en arrogance et en orgueil et dans la sévérité dans laquelle ils s'accrochent et dans la force dans laquelle ils s'accrochent à leurs fausses opinions. C'est comme ça que Cheikh l'a interprété. Puis après, il dit بأنهم لا يطلبون الحق وإنما يجادلون بالباطل ليضحدوا به الحق مع أن الله جعل القرآن رافعا للخلاف قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وهم يقولون القرآن والسنة لا يرفعان الخلاف. Donc le cheikh il dit pourquoi, parce que ils ne cherchent pas la vérité, ces gens-là qui agissent comme ça, ils ne cherchent pas la vérité, ils veulent uniquement débattre et argumenter par le faux et essayer d'écraser la vérité ou de rejeter la vérité, malgré que Allah subhanahu wa ta'ala a fait du Coran la chose qui élimine ou qui enlève la divergence. Et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 59 dans surat al-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Et eux, ils disent que le Coran et la Sunna ne peuvent pas y enlever la divergence. Ils disent le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la révélation. إِذْ لِكُلِّ فَرِيقٍ طَوَارِيتٍ. Donc, Cheikh l'Islam, il continue, il dit إِذْ لِكُلِّ فَرِيقٍ طَوَارِيتٍ يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم وما أشبه حال هؤلاء المتلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Donc ici Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit, parce que chacun d'entre ces groupes qu'on a mentionné, les hindous, les philosophes, les majus, les sabi'in, et tous ces gens-là, les philosophes ainsi de suite, ils ont tous des tawarit, des diables, des règles et des principes et des lois qu'ils ont inventées eux-mêmes, vers lesquelles ils retournent pour juger selon leur propre logique, pour savoir qu'est-ce qui est correct selon eux, qu'est-ce qui est faux. Alors que c'est dans ces tawarit-là qu'ils ont été ordonnés de ne pas croire, hein, et qu'on leur a ordonné de rejeter. Il dit « وَمَا أَشْبَهَ حَالَ هَوْلَا » Donc il dit « Comme elle est semblable, hein, comme leur état est semblable à celle yani, de ceux qui ont exagéré dans la religion parmi et qui ont dévié dans la religion parmi ceux que Allah a décrit dans le verset 60 dans sourate An-Nisa lorsqu'il dit ne vois-tu pas ceux qui ont prétendu croire en ce qui a été révélé sur toi, c'est-à-dire croire en ce qui a été révélé sur toi ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en ce qui a été révélé avant toi, ils veulent prendre pour juge le tawhid alors qu'ils ont été ordonnés de le renier, alors que c'est lui qu'ils ont été ordonnés de renier. Mais le shaytan veut les égarer d'un égarement lointain. Shaytan veut les égarer d'un égarement lointain. Le shaykh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il explique ces points-là. Il dit « كل فريق من هؤلاء الضلال له طاغوت والطاغوت هنا هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله فكل فريق لهم إمام وقائد يأخذون بكلامه ويحكمونه من دون الله ويحكمونه من دون الله والله سبحانه وتعالى يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت فالطاغوت هنا من حكم بغير ما أنزل الله وقادتهم وأئمتهم وطواغيت وأئمتهم طواغيت لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله يحكمون عقولهم يحكمون عقولهم وفلسفتهم وأفكارهم. Donc le cheikh il explique ici, il dit chacun d'entre ces groupes là parmi les égarés, ils ont un tawhid. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par le tawhid? On veut dire yani les yani ceux vers qui ils jugent, hein, ou le fait de juger par autre que la loi d'Allah, ou ceux vers quoi ils retournent pour juger, ceux vers quoi ils retournent pour juger. Et il dit, par exemple, chacun d'entre eux, il a un imam qu'il suit, hein, un leader, un chef qu'il suit dans les questions religieuses, et vers qui il retourne pour trancher ou pour juger dans les questions de la foi, dans les questions de la religion, comme par exemple la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Donc il juge par ces personnes-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et ils prennent leur parole au lieu de juger par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il mentionne le verset 51 dans sourate An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: n'as-tu pas vu ceux-là, hein, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter la foi à la magie et au tarot, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas, ceux-là sont mieux guidés sur le chemin que ceux qui ont cru. Donc le point que le cheikh mentionne ici, c'est le fait que une partie d'entre ces gens-là, parmi les gens du livre, ils croient en la magie et au tarot, hein? Donc ils ne retournent pas au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour juger. Donc il mentionne ce verset-là comme exemple, et il mentionne l'autre verset, le verset 60 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et ils veulent prendre pour juge le tarot, alors que c'est en lui qu'on leur avait ordonné de ne pas croire. C'était en lui qu'on leur avait ordonné de ne pas croire et qu'on leur avait ordonné de renier. Donc ici, le cheikh, il dit que le tahout, c'est celui qui juge par autre que ce que Allah a révélé. Hein? Qui juge par leur tête, par leur chef, par leur, les leaders de ces sectes ou de ces groupes. Eux sont des tawarites. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils jugent par autre que ce que Allah a révélé et qu'ils utilisent leur propre logique. Hein? Ils jugent selon leur raison et leur philosophie et leurs pensées et leurs idées. Hein? Donc ça c'est l'exemple. Ensuite le cheikh il dit وَهَذِهِ الْآيَةِ نَزَلَتْ فِي قِصَّةِ وَهِيَا أَنَّ مُنَافِقًا وَيَهُودِيًا وَقَعَدْ بَيْنَهُمَا خُصُومًا فَقَالَ الْيَهُودِي نَتَحَاكَمُ إِلَى مُحَمَّدٍ لعله لعلمه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة وقال المنافق المنافق الذي يدعي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم نتحاكم إلى كعب ابن الأشرف اليهودي لعلمه أنه يأخذ الرشوة فأنزل الله هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قال يزعمون يعني يدعون الإيمان يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني إلى كعب بن الأشرف بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم وقد أمروا أن يكفروا به أن يكفروا بالطاغوت قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها donc le cheikh il explique il dit ce verset a été révélé au sujet d'une histoire et cette histoire c'est qu'est-ce qui s'est passé lorsque un munafiq, c'est-à-dire un hypocrite, et un juif avaient une dispute. Un hypocrite, quelqu'un qui yani, se fait passer pour un musulman alors qu'il n'a pas la foi, il ne croit pas en l'islam. Et un juif. Hein? Donc, ils ont eu une dispute entre eux. Donc, le juif a dit, on va prendre le prophète Mohammed comme juge. Donc, il n'a pas dit le prophète, mais il a dit, on va prendre Mohammed comme juge. Les juifs ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais étant donné qu'ils savaient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'accepte pas les pots de vin, hein, et on ne peut pas l'acheter, donc il a préféré retourner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme juge. Tandis que l'hypocrite, lui, hein, celui qui prétend croire au messager, il a dit, on va prendre Ka'b ibn al-Ashraf comme juge. Qu'il voulait retourner à Ka'b ibn al-Ashraf, le juif. Donc, ça c'est une contradiction dans la religion, une contradiction dans la foi. Comment tu peux être musulman, hein, et puis, et aller par la suite, au lieu de préférer le jugement de Ka'b ibn al-Ashraf plutôt que celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est un signe de son hypocrisie. Hein? Mais pourquoi il voulait retourner à Ka'b ibn al-Ashraf aussi, c'est parce qu'il savait que Ka'b ibn al-Ashraf, il accepte les pots de vin. Il acceptait les pots de vin, donc s'il reçoit de l'argent, il va trancher en sa faveur. Et il va dire le contraire de la vérité pour lui, hein, pour lui faire plaisir. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 60. Dans Surat al-Nisa, à propos de cet événement-là ou de cette situation-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans ce verset, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent qu'ils croient en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi? Ils prétendent la foi. C'est-à-dire quand ici Allah il dit yaz'umun, c'est-à-dire il prétend être croyant et avoir la foi. Donc as-tu vu ceux qui prétendent croire en ce qui a été révélé sur toi? Donc ils n'y croient pas vraiment, ils prétendent seulement. Ils veulent juger par le tarout, retourner au tarout comme juge, c'est-à-dire vers Ka'b ibn al-Ashraf au lieu de retourner vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils avaient été ordonnés de rejeter le tarout, hein, de ne pas croire au tarout et de ne pas se référer au tarout. Et il dit ensuite le cheikh, il cite le verset 256 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا. Donc celui qui renie le tarout et qui croit en Allah, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide, hein, qui ne se casse pas, qui ne se brise pas. Donc ça, c'est un verset qui montre l'obligation pour le musulman de retourner au jugement d'Allah dans toutes les questions, et encore plus, et encore plus dans les questions de religion, hein, encore plus dans les questions qui ont rapport avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Donc ça, c'est un verset clair à ce sujet-là. Donc de pas se référer, on se réfère pas à la philosophie puis à la logique des Grecs, des trucs comme ça, pour interpréter la révélation d'Allah, pour essayer de comprendre les attributs d'Allah et qui est Allah. Non, on se réfère à qu'est-ce qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la révélation divine, la parole d'Allah dans le Coran et la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Il dit: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا. Donc il cite un autre verset, wa idha qila lahum, ou bien c'est la suite, la continuation du verset, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa fa kayfa idha asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Donc ça, c'est la suite du verset 60 dans Sourate An-Nisa. Et dans cette suite-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il explique et il dit, hein, lorsqu'on leur dit: venez vers ce que Allah a fait descendre, c'est-à-dire venez vers la révélation d'Allah et vers le messager, hein, vers la sunna, tu vois les hypocrites s'écarter de toi. C'est-à-dire, tu vois les munafiqin qui s'écartent loin de toi. Parce que les munafiqin, ils n'aiment pas retourner au jugement d'Allah. Hein? Ils n'aiment pas retourner au jugement d'Allah. Ils aiment retourner au jugement des hommes, au jugement de la passion. Hein? Comme les laïcs, c'est la même chose. Les laïcs, quand tu les appelles au jugement d'Allah, ils disent: non, nous, on veut des lois faites par les hommes. Hein? On veut les jugements des lois humaines, des lois faites par les hommes, pas les lois faites par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est l'exemple de l'égarement de ces gens-là. Et le verset 62 ensuite: comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Hein? Donc ça, c'est ce qu'ils prétendent. C'est comme ça l'attitude des munafiqins. Une fois qu'ils se font avoir ou se font attraper, eh bien, ils essaient toujours de prétendre qu'ils avaient une bonne intention, qu'ils ne voulaient pas faire du mal, hein? C'était pour le bien qu'il faisait ce qu'il faisait, hein, qu'il retournait au tarout ou des choses comme ça. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il commente encore sur ces versets, il explique, il dit: wa idha qila lahum ta'alu, il explique la suite du verset: wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa huwa al-Qur'an wa ila ar-Rasul وهو السنة النبوية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم رأيت المنافقين. المنافق هو الذي يدعي الإيمان ويبطن الكفر يصدون عنك صدودا, يعني يصدون يعرضون, والصاد هو يعني الذي يميل عنقه من الكبر وهو يزعم أنه مؤمن فإذا كشف أمرهم وافتضحوا جاءوا يعتذرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة أنزل الله بهم عقوبة وكشف أمرهم وفضح سرهم بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعني جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ما قصدنا بمخالفتك الضلال والكفر وإنما اجتهدنا وقصدنا الإحسان إلى الناس والصلح بينهم. Donc le cheikh il explique le verset. Il dit: et lorsqu'on leur dit venez vers ce que Allah a révélé, c'est-à-dire le Coran, et vers le messager, c'est-à-dire la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du messager sallallahu alayhi wa sallam, tu vois les hypocrites, les munafiqs. Le cheikh dit al-munafiq, c'est celui qui montre, qu'il a la foi en apparence, mais qui cache intérieurement sa mécréance. Yasuduna anka sududa. Yani yasuddun yu'ridun, c'est-à-dire ils se détournent de toi. Et as-sad, la personne qui fait as-sudud, c'est celui qui penche son cou. Il penche son cou par orgueil et par fierté, par arrogance, alors qu'il prétend qu'il est croyant. Donc une fois qu'il a été démasqué, qu'on a compris la réalité de ce qu'ils sont, ils viennent s'excuser au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc فكيف إذا أصابتهم مصيبة. Donc il mentionne le fait que lorsqu'ils sont frappés par un malheur, par un malheur, il y a un malheur qui les atteint, qui les touche, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber sur eux une punition et qu'il a démasqué leur réalité et qu'il a fait voir aux gens leur réalité et que leur secret a été dévoilé et montré au grand jour. À cause de ce que leurs mains ont préparé pour eux, puis ils viennent vers toi, c'est-à-dire ils viennent vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils jurent par Allah qu'ils n'ont voulu que le bien et que la réconciliation, c'est-à-dire ils prétendent que ils disent au messager on n'a pas voulu par notre opposition ou notre contradiction de ton ordre, on n'a pas voulu par cela l'égarement ou la mécréance, on a uniquement fait un effort pour arriver à qu'est-ce qui est bien pour les gens et notre intention c'est le bien et de réconcilier entre les gens. Donc les gens de Kalam et les philosophes, ceux qui donc le cheikh il explique ça. Ensuite on va lire la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. Donc Cheikh Islam Ibn Taymiyyah il dit ça c'est exactement la parole de ces gens de Kalam, comment ils agissent lorsqu'on les appelle à revenir à ce que Allah a fait révéler, à ce que Allah a fait descendre et à ce qu'il a révélé dans le Coran et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené dans la sunna, du fait que on doit rappeler après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire de suivre sa sunna et d'appeler à sa sunna et non pas d'appeler à sa personne, hein, comme les soufis qui appellent les musulmans à retourner à sa tombe, des choses comme ça. Non, ça c'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, retourner au messager, c'est de retourner à sa sunna. Hein? Donc quand on les appelle à ça, retourner au livre d'Allah et retourner à la sunna, ils se détournent et ils disent, hein, nous on a uniquement voulu le bien, hein, on a uniquement voulu yani le bien et l'excellence dans notre adoration, dans la connaissance et dans l'action, en agissant de la façon dont on a agi, c'est-à-dire en niant les attributs d'Allah et en utilisant la méthode des philosophes grecs. Donc le cheikh dit wa at-tawfiq bayn ad-dala'il al-aqliyya wa an-naqliyya. Ils disent on a uniquement fait ça, c'est-à-dire nier les attributs d'Allah uniquement pour réconcilier entre les preuves rationnelles et les preuves des textes. Donc ici le cheikh Ibn Taymiyyah c'est comme s'il explique le verset par rapport à qu'est-ce que font les gens de Kalam, par rapport à qu'est-ce qu'ils font et par rapport à leur déformation de la signification de la religion. Donc le cheikh, il dit ensuite fal mutakallimun wal falasifa alladhina ya'khudhuna al-aqa'id min ghayri al-kitab was-sunna lahum shabahun bil munafiqin الذين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل إلى آخر الزمان يعني يحكم في القضايا. Donc le cheikh il explique, il dit les gens de Kalam et les philosophes, ceux qui prennent leur croyance d'autres que le Coran et d'autres choses que la Sunna, donc ils prennent leur croyance d'ailleurs que du Coran et d'ailleurs que de la Sunna. Ils ont une ressemblance avec les hypocrites, ceux qui existaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa al-Qur'an nazala ila akhir az-zaman yahkumu al-qadaya. Donc le Coran il a été révélé jusqu'à la fin des temps pour juger dans les différentes questions et dans les différentes affaires. Donc ça c'est très important. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah il dit la plupart d'entre eux, les shubuhat que ces gens-là utilisent et qu'ils nomment preuves, hein, ou preuve, ou dalil, le pluriel de dalil, c'est adilla, ou dalail, hein. Il y a plusieurs pluriels parfois pour, en arabe, il y a plusieurs formes de pluriel. Donc, ce que ces gens de Kalam utilisent comme shubuhat et qu'ils appellent preuve, eh bien, la plupart d'entre ces shubuhat-là, à la base, se retrouvent dans les propos des tawarit des mushrikin, parmi par exemple, les têtes des philosophes grecs et les philosophes hindous et les sabi'in, ou bien d'autres également parmi ceux de qui ils ont pris, hein, Aristote, Platon et d'autres, hein, parmi ceux qui en qui on a été ordonné de ne pas croire, comme un tel et un tel, ou ceux qui ont dit la même parole qu'eux, parce que leur cœur se ressemble. Cheikh Al-Fawzan il dit: هذا المنهج الذي ساروا عليه من تحكيم العقول والإعراض عن الكتاب والسنة تلقوه من طواغيت سابقين أعداء للرسل إما من اليونان أو الفرس أو من أي جهة من أعداء الرسل أو أخذوه عن ناس قلدوا من سبق وساروا عليه من غير بصيرة وروية يأخذون كتب المنطق وعقائد المنطق ويدرسونها كأنها قضايا مسلمة ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة بل يدرسون كلام المناطق في العقائد يقولون هذه يقينيات وبراهين أما الكتاب والسنة فهي ظواهر ظنية لا تدل على اليقين عقائدهم الآن مبنية على هذا في مدارسهم وجامعاتهم وكلياتهم فالشر موجود بل يزيد الشيخ الزي la méthodologie et la voie sur laquelle ces gens-là avancent, la voie sur laquelle ils marchent, c'est de juger selon la raison et de se détourner du livre et de la sunna. Et ils ont pris cette voie des tawarites précédents parmi les ennemis des messagers, soit parmi les Grecs, ou soit parmi les Perses, ou de n'importe quelle autre, direction dont ils ont pris parmi les ennemis des messagers. Et ils ont pris ça, cette voie-là, ou bien ils l'ont pris, cette voie-là, des gens qui ont suivi ceux qui ont précédé. Et ils ont suivi cette voie-là sans aucune compréhension, sans aucune science. Donc ils ont pris les livres des philosophes, de la logique grecque, de la logique d'Aristote, ou de des livres de Platon et d'Aristote et d'autres philosophes grecs, et ils les ont étudiés comme si c'était des choses acceptées et reconnues, comme si c'était quelque chose de vrai, et ils ne sont pas retournés au livre d'Allah et à la Sunna pour essayer de juger entre qu'est-ce qui est vrai de ces propos-là et qu'est-ce qui est faux. Ils les ont juste étudiés tels quels, ces livres de logique, ces livres de des croyances des Grecs et des autres philosophes, et ils ont dit ça c'est des certitudes et des preuves, mais le Coran et la Sunna ça c'est uniquement des sens apparents qui ne ramènent pas de certitude et qui n'indiquent pas de conviction et de certitude. Allah al-musta'an. Donc leur croyance, c'est sur ça qu'elle est basée aujourd'hui. Et dans leurs écoles, et dans leurs universités, et dans leurs facultés, c'est ça qu'ils enseignent aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Si tu vas dans les universités des Asha'ira, des Maturidiyah, c'est ça qu'ils enseignent aujourd'hui. Donc le mal, il est encore présent, et même qu'il augmente, malheureusement. Donc le Cheikh, il explique ensuite... الشيخ يلقى ensuite il dit فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc il mentionne le verset 65 dans sourate An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, ce qui signifie, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris, toi, comme un juge, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme un juge dans toutes les disputes ou dans tous les désaccords qu'il y a entre eux. Puis, qu'ils n'aient trouvé en eux-mêmes aucun inconfort, ou aucune gêne en eux-mêmes par rapport à ce que tu auras décrété, et qu'ils s'y soumettent entièrement. Et il mentionne ensuite le verset de Cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset, il dit « لأن الإيمان ليس بالدعوة وإنما الإيمان حقيقة Donc le cheikh il dit la foi c'est pas quelque chose que tu peux prétendre. La foi c'est qu'est-ce qui est important par rapport à la foi et qu'est-ce qu'on juge par rapport à la foi, c'est la réalité. Qu'est-ce qui est réel. Et le cheikh il dit fal iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih. Donc la foi c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et une action du corps. الذي يقول إنه مؤمن كيف يتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله لو كان مؤمنا لتحكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ففعله يخالف قوله ويدل على اعتقاده في القلب أن الحكم بالكتاب والسنة ليس بصحيح. Donc le cheikh il dit la foi c'est une parole de la langue, une croyance dans le cœur et les actions du corps. C'est ça la foi. La foi, c'est pas juste un de ces trois éléments-là, mais c'est les trois ensemble. C'est une parole de la langue, une croyance du cœur et les actions qui viennent avec le corps. Donc, celui qui dit « je suis croyant », il dit qu'il est croyant, comment peut-il juger par autre que le livre d'Allah et que la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam? S'il était croyant, il aurait jugé par le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc son action et ses gestes et ses actes ont prouvé le contraire de ses actions. Le contraire de ses paroles. Ses actions ont prouvé le contraire de sa parole. Donc il a contredit, ses actions ont contredit sa parole. Et ça prouve que, yani, il dit, yadullu ala i'tiqadihi. Donc ça indique la réalité de sa croyance qui est dans son cœur. Et c'est-à-dire que, pour lui, yani, le jugement par le livre d'Allah et par la sunna n'est pas correct, n'est pas bon. Pour lui, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il prétend qu'il croit, mais il fait le contraire de ce qu'il prétend. C'est la preuve que sa croyance dans son cœur, c'est que le fait de juger par le livre et la sunna, c'est quelque chose qui est incorrect. Donc, c'est ça qui montre la réalité de sa croyance. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset. Cheikh Ibn Taymiyyah mentionne le verset 213 dans Surat Al-Baqarah. Et il cite donc le verset qui dit كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Donc Cheikh l'Islam il cite ce verset qui signifie les gens à l'origine formaient une seule communauté, puis Allah après leur divergence, a envoyé des prophètes comme annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment. Et il fit descendre avec ces prophètes des livres contenant la vérité pour régler les divergences qui existaient parmi les gens. Mais ce sont ceux-là même à qui on a apporté ces preuves et à qui on a apporté la vérité qui se mirent à en disputer entre eux. Après que la preuve leur fut venue, par rivalité, par opposition entre eux et par rivalité, par jalousie entre eux. Puis Allah, par sa grâce, guida ceux qui ont cru vers la vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Donc on voit que chaque fois que la vérité apparaît, chaque fois que la vérité vient, eh bien les hommes se divisent. Et parmi ceux-là, ceux qui sont sur la vérité, c'est ceux qui se sont accrochés à la révélation. et non pas ceux qui ont contredit la révélation. Le cheikh il dit هذا دليل على أنه لا هداية. شيخ الفوزان يقول هذا دليل على أنه لا هداية إلا بالكتاب المنزل سواء التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى ولكن آخر الكتب هو القرآن الذي استقر عليه الأمر إلى أن تقوم الساعة فإنه يعني نسخ ما قبله فلا يحكم في الفصل بين الناس في العقائد والخلافات إلا القرآن والسنة تابعة للقرآن أما الذي يحكم غير القرآن فهذا لا يمكن أن يصل إلى حد إلى أن يصل فهذا لا يمكن أن يصل إلى حل إلى حل أبدا وإنما يصل إلى ظلم وحيرة واضطراب في المقالات والاعتقادات أو الخصومات فلا حل إلا في تحكيم الكتاب والسنة. Donc le cheikh explique, il dit que le verset 213 dans sourate Al-Baqarah c'est la preuve qu'il n'y a pas de guidance ailleurs que dans ce que Allah a fait descendre dans le livre révélé. Peu importe que ce soit la Torah, ou Al-Injil, ou Al-Zabur, ou le Coran. Tous ces livres sont des livres que Allah a révélés. Mais le dernier de ces livres, c'est le Coran. Et c'est sur celui-là que s'arrête le jugement jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à l'heure du jugement dernier. Parce que le Coran est venu abroger tout ce qui était avant lui. Et donc, on n'a pas le droit de juger dans les disputes ou dans les désaccords entre les hommes. On n'a pas le droit de trancher par autre chose que par le Coran et par la Sunna. Il dit donc qu'on ne doit pas juger entre les hommes, que ce soit dans la croyance ou dans les autres divergences de la vie, excepté par le Coran et par la Sunna. Et la Sunna, elle suit le Coran. En ce qui concerne le fait de juger par autre que le Coran, le cheikh il dit, celui qui juge par autre que le Coran, il n'est pas possible pour lui d'arriver à une solution. Il ne peut pas arriver à une solution. Il va arriver uniquement à l'injustice, à la confusion et à l'instabilité. Et il dit, ça c'est dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines des différentes positions des différentes sectes, ou dans la croyance, parmi les différentes croyances, ou dans les autres disputes qui existent entre les hommes, s'ils vont retourner à des lois faites par les hommes, ou bien à des croyances établies par des hommes, ou à des règles logiques établies par des hommes, et qu'ils vont mettre de côté le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne vont jamais arriver à une conclusion correcte. Donc il n'y a pas d'autre solution que de juger par ce que Allah a révélé dans le livre et dans la sunna. Le cheikh il dit ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qui est impliqué par cette parole, par leur parole, c'est que le Coran, il n'est pas une guidance pour les hommes. Et il n'est pas une clarification. Et il n'est pas une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Ni une lumière, ni un repère ou une référence lorsqu'on a des divergences. C'est ça que ça implique, leurs paroles. Et ça, c'est le contraire de la vérité. Donc, le cheikh Al-Fawzan, il dit, « من كان يريد منا أن نحكم العقول والمنطق والأفكار فمعناه أن القرآن ليس كما وصفه الله بأنه هدى للناس بل هو جاء للتعمية والتضليل الله أنزل الكتاب هدى فلا يحكم ولا يرفع النزاع فلا يحكم ولا يرفع النزاع بين الناس إلا الكتاب أما العقول والأفكار والآراء فلن تحل النزاع كل واحد يتعلق برأيه ويأتي مقالة أنت ما تفرض علي رأيك صحيح لا تفرض علي رأيك ولكن أفرض عليك الوحي الذي هو حاكم على الجميع أما إذا رجعنا للآراء فكل واحد يقول للآخر أنت لا تفرض علي رأيك ولكن إذا قلنا المرجع الكتاب انتهى النزاع وانحلت الخصومة ولذلك تجدهم في أمر مريج من حل نزاعهم فيما بينهم تجد أهل السنة والجماعة ولله الحمد إخوة متحابين ليس بينهم إشكال ولا بينهم اختلاف لأنهم يحكمون بما أنزل الله فتأمل الفرق بين هؤلاء وهؤلاء ولازم هذه المقالة أن يرد النزاع والاختلاف إلى الكتاب والسنة لأنهما ليس هدى ونورا ولا يحلان النزاع Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, celui qui veut de notre, qui veut de nous qu'on juge selon notre logique, ou bien selon la logique grecque, ou la logique d'Aristote, ou les idées d'Aristote, ou les idées des philosophes, parmi les kuffars, ou parmi les hérétiques, ça signifie quoi? Ça signifie que pour eux, le Coran, c'est pas comme Allah l'a décrit, une guidance pour les hommes. Au contraire, selon ce qu'ils disent, c'est en réalité le fait que le Coran serait venu pour rendre les hommes égarés, pour les égarer et pour les laisser dans l'obscurité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le livre comme une guidance. Et donc on n'a pas le droit de juger ou de ramener une divergence entre les hommes, excepté au Coran. Par contre, de ramener les choses à la logique ou aux logiques à l'intelligence de chacun ou aux pensées et aux opinions de chacun, eh bien, ça ne peut pas régler les divergences. Chacun s'accroche à son propre opinion et on entend souvent la parole des gens qui disent « Tu ne peux pas m'imposer ton opinion. » pas m'imposer ton opinion. Le cheikh, il dit, c'est vrai. Tu peux pas m'imposer ton opinion. Là, tu fais aller ya ra'yak. Donc, ne m'impose pas ton opinion. Mais, je ne t'impose pas mon opinion. Je t'impose la révélation qui est un juge sur nous tous. Donc, si on... Mais par contre, si on ramène les choses à nos opinions, chacun d'entre nous, et que chacun dit à l'autre, non, toi tu ne peux pas m'imposer ton opinion, eh bien, le problème ne va jamais être réglé. Tandis que si on dit, on ramène nos divergences au livre d'Allah, ça y est, la dispute est réglée. Tout est réglé, c'est fini. Parce qu'on est tous d'accord et on sait tous que la référence et la chose vers laquelle on doit retourner, c'est le livre d'Allah. Et qu'une fois qu'on a accepté ça, la divergence, elle est finie. C'est fini la dispute, c'est fini le désaccord. Tandis que les autres, ceux qui ne retournent pas au livre d'Allah, et qui retournent vers l'opinion des philosophes, l'opinion des hommes, et les lois des hommes, et bien tu vois que ils ne sont jamais... Ils sont jamais satisfaits. Ils sont toujours dans la confusion. Et leurs disputes ne se règlent jamais. Et c'est pour ça que tu trouves que les gens de Al-Sunna, par la gloire d'Allah, ils sont des frères qui s'aiment les uns les autres et il n'y a pas de problème entre eux. Il n'y a pas de divergence entre eux. Parce qu'ils jugent selon ce que Allah a révélé. Et donc, observe bien la différence entre ceux-là et ceux-là. C'est-à-dire entre les deux groupes. Et il dit وَلَازِمُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. Donc, qu'est-ce qui est impliqué par leur parole à eux? La parole des gens de Kalam, qui retourne à la logique au lieu du Coran et de la Sunna, eh bien ça implique que quand il y a des divergences dans la croyance, dans la religion, il ne faut pas ramener ces divergences-là au livre d'Allah et à la Sunna. Parce que pour eux, il n'y a pas de guidance, il n'y a pas de lumière dans ça. Il faut pas ramener les divergences aux références et aux preuves de la religion pour eux. Le cheikh il dit وقوله رحمه الله ولازم هذه المقالة أي مقالة المعطلة أن الأسماء والصفات لله لا تؤخذ من الكتاب والسنة وإنما تؤخذ من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية بزعمهم فلازم هذه المقالة أن ترك الناس بلا كتاب وبلا رسول أحسن ما دامت العقول كافية وعلم الكلام يكفي فإن وجود الكتاب والسنة لا قيمة له على مقالتهم لأن عندنا ما يكفينا من أفكارنا وعقولنا وتصوراتنا وهذا ما يلزم على كلامهم. Donc, le cheikh, il explique, et il dit, qu'est-ce qu'il veut dire, Ibn Taymiyyah, quand il dit, وَلَازِمُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ, qu'est-ce qui est impliqué, qu'est-ce qui implique cette parole de la part de, quand il dit cette parole, ça dit la parole des Mu'attila. Qu'est-ce qui implique la parole des gens qui nient les noms et les attributs d'Allah, c'est-à-dire ceux qui disent qu'on ne doit pas prendre les noms et les attributs d'Allah du Coran et de la Sunna, mais ils doivent uniquement être pris des preuves rationnelles et des preuves qui amènent la certitude selon ce qu'ils prétendent eux. Donc qu'est-ce que ça implique cette parole de ces gens-là qui nient les attributs d'Allah? Ça implique qu'il faut que ça aurait été mieux de laisser les gens sans livre et sans messager. Ça aurait été mieux pour eux. Dans le sens que, du moment que tu prétends que la logique c'est suffisant, et que la raison et la philosophie c'est suffisant, et que la philosophie c'est suffisant, ilm al-kalam ça suffit pour connaître Allah, savoir ses noms et ses attributs, dans ce cas-là, la présence du Coran et de la Sunna, ça n'a aucune valeur. Selon ce qu'ils disent, parce que ils prétendent que la logique c'est suffisant et c'est plus important. Donc c'est grave, c'est grave. c'est ce qui est impliqué par leurs paroles. Tu vas remarquer ça chez des gens qui, quand ils parlent de religion, ils se basent sur leur raison et sur leur compréhension. Ils disent laisse de côté le Coran et la Sunna. Parle selon la logique, parle selon la raison. Pourquoi? Parce que ils ne se basent pas sur la révélation. Et parfois même, tu vas voir certains d'entre eux, ils vont mentionner des versets du Coran et de la Sunna dans qu'est-ce qui est dans qu'est-ce qui est équivoque, qui peut être interprété différemment. Puis quand tu ramènes les clarifications de la Sunna, pour expliquer ces versets-là qu'eux utilisent comme preuve, ils commencent à dire, mais non, on va pas prendre la Sunna. On va juste prendre le Coran. Pourquoi? Parce que, pour eux, c'est plus facile d'interpréter des versets qui sont équivoques dans le Coran. Et ils veulent pas qu'on retourne à la Sunna pour les clarifier. Et il y en a d'autres qui vont mentionner des versets dans le Coran et des hadiths. Puis quand on va ramener les paroles des salafs pour expliquer ces versets de Coran et ces hadiths, parmi les paroles des sahaba et des tabi'in, ils vont dire non, on ne va pas prendre la parole des sahaba et des tabi'in, mais juste prendre le Coran et la Sunna. C'est comme ça que tu vois les différents groupes et les différentes sectes et les différents gens de bid'a, comment ils agissent vis-à-vis de la révélation. et vis-à-vis de la sunna. Donc donc le cheikh il dit li anna indana ma yakfina min afkari. Donc ils disent nous on n'a pas besoin du Coran et de la sunna. On n'a pas besoin du Coran et de la sunna. Qu'est-ce qu'on a comme logique, comme pensée, comme raison, comme compréhension, comme conception, ça nous suffit. Hein? C'est ça qui est impliqué par leurs paroles. Même s'ils ne le disent pas explicitement tout le temps, mais parfois ils le disent explicitement, sinon il y en a d'autres qui ne le disent pas, mais par leurs propos, tu peux comprendre que c'est ça ce qu'ils veulent dire. Hein? Après, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, elle dit « وَلِأَنَّا نَعْلَمُ بِالِتْتِرَارِ أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة ولا نصا ولا ظاهرا. Donc il dit, et nous savons par nécessité que ce que ces gens-là disent, yani parmi ces gens de kalam, que la vérité, nous savons que ce que ces gens-là ont dit, parmi les gens de Kalam, que la vérité qui est obligatoire pour nous d'accepter et de croire, elle n'a pas été indiquée par ce qui est dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans un texte apparent, ni dans un texte explicite, ni dans un texte apparent. Le cheikh il dit, نَعْلَمُ عِلْمًا ضَرُورِيًا أَنَّ مُقْتَضَ قَوْلَهُمْ عزل للكتاب والسنة عن الاستدلال والحكم واستغناء عنهما بقواعد المنطق وعلم الكلام والجدل. Et non. Donc c'est ça qu'il veut dire ici, Ibn Taymiyyah. Il dit, nous savons que leurs paroles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait de laisser de côté complètement le Coran et la Sunna, de pas s'y référer pour juger, comme preuve, et de ne pas s'y référer non plus comme juge. Et qu'on peut s'en passer. Hein? On peut s'en passer et se baser uniquement sur les règles de la logique grecque ou de la philosophie ou de la dialectique aristotélicienne ou des trucs de ce genre. Donc c'est ça ce que ça implique leurs paroles. لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وهل تعلم له سميا. Donc le cheikh il dit, et le plus que cette personne parmi les gens de l'égarement que le cheikh a décrit comme un mutahadliq, le but de cette personne c'est de se baser sur des versets généraux comme le verset وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, il n'y a rien comme lui, ou bien le verset, il n'y a rien qui peut être comparé à Allah subhanahu wa ta'ala, rien qui lui soit comparable. وَهَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّ, est-ce que tu lui connais un égal ou un semblable? Le verset 4 dans surat Al-Ikhlas et le verset 65 dans surat Maryam. المتحذلق, c'est la personne qui veut se paraître intelligent, qui essaie de paraître intelligent. Donc leur but c'est d'essayer de tirer des concepts ou des idées pour arriver à nier les attributs d'Allah en se basant sur des versets généraux. Hein? Et le cheikh il explique. Cheikh Al-Fawzan il dit والاستدلال بآيات النفي لا يكفي. هناك آيات إثبات كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم, هذا إثبات الحياة والقيومية, وهو السميع البصير هذا إثبات, وهو بكل شيء عليم هذا إثبات. فتوحيد الأسماء والصفات يعتمد على شيئين, على الإثبات والنفي, إثبات الأسماء والصفات ونفي المشابهة والتمثيل كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جمع بين النفي والإثبات، نفي المماثلة والمشابهة وإثبات الأسماء والصفات. هذه هي القاعدة القرآنية. أما أنه يعتمد على النفي فقط فهذا ضلال ولا يدل عليه الكتاب والسنة. Donc le cheikh il explique, il dit ces gens-là ils se basent uniquement sur des versets de négation. Et il dit le cheikh que se baser sur des versets de la négation c'est pas suffisant. Il y a des versets aussi d'affirmation par rapport aux noms et aux attributs d'Allah. Hein? Donc eux quand ils parlent des noms et des attributs d'Allah et les noms et des attributs, ils se basent uniquement sur les versets qui parlent de négation. Hein? Le fait de nier la ressemblance ou de nier la comparaison avec les créatures ou des choses comme ça. Et ça, c'est des versets qui sont vrais, mais il y a aussi des versets qui affirment hein, les attributs d'Allah. Et ça, il faut les affirmer. Donc, il mentionne comme exemple le verset 2 dans surat Al-Imran. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Allah, rien ne mérite d'être adoré, excepté lui, le vivant al-qayyum. C'est-à-dire celui qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien, alors que tout a besoin de lui. C'est ça, Al-Qayyum. Donc ici, il y a l'affirmation de deux noms d'Allah et de deux attributs. La vie, l'attribut de la vie, et l'attribut de Al-Qayyumiyya. C'est-à-dire le fait d'être yani, suffisant à soi-même. Wa huwa as-sami'u al-basir. C'est-à-dire, il est l'audient et le voyant. Donc il y a l'affirmation ici de lui et de la vue. Et il mentionne exemple wa huwa bi kulli shay'in alim, et il a de toutes choses une science complète, c'est-à-dire il a la connaissance de toutes choses. Ça c'est le verset 16 dans sourate Al-Hujurat. Il a affirmation ici de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une affirmation aussi. L'autre c'est une affirmation, l'autre c'est une affirmation. Il y a plein d'affirmations comme ça dans les versets dans le Coran à propos des noms et des attributs d'Allah. Donc ça c'est, le cheikh dit, tu vois que le tawhid dans les noms et dans les attributs d'Allah se base sur deux choses, l'affirmation et la négation. Pas seulement la négation, hein, pas la négation toute seule, l'affirmation et la négation. Hein. Et donc eux les gens de Bid'a, souvent quand ils parlent des noms et des attributs d'Allah, ils se basent uniquement sur la négation et non pas sur l'affirmation. Et même dans la négation, ils vont dans l'extrême et dans l'exagération. Hein? Parce que, comme les ulama d'Ahl Sunna ont mentionné, et Cheikh Mohamed Aman, dans son charh, hein, il l'explique très bien, il mentionne que lorsque les gens d'Ahl Sunna wal Jama'a nient les imperfections et les défauts et les faiblesses à Allah subhanahu wa ta'ala, ou la ressemblance avec la créature, ils se réfèrent toujours à la révélation. Et lorsqu'il nie hein, quelque chose, donc il se réfère à la révélation et il le nie en affirmant son contraire. Il ramène la négation en affirmant son parfait contraire, son contraire absolu. Par exemple, si on dit par exemple, comme Allah il le dit dans le Coran, Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas une goutte d'injustice. Donc ça c'est un exemple de négation où Allah subhanahu wa ta'ala nie l'injustice par rapport à sa personne. Il nie qu'il fait de l'injustice. Donc ça c'est une négation. Mais est-ce qu'on le prend tel quel comme ça et on l'applique seulement à la négation? Selon les principes d'Ahl Sunnah wal Jama'a, on dit la négation d'une imperfection implique l'affirmation de son absolu contraire. L'affirmation de son absolu contraire, c'est-à-dire d'affirmer en même temps qu'on nie l'injustice à Allah subhanahu wa ta'ala, on affirme la justice parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc c'est pas seulement de nier, mais c'est aussi d'affirmer le contraire de ce qui est nié. Tandis que les gens de Bid'a, parmi les gens de Kalam, eux, ils ne font que nier. hein, et ils n'affirment pas le contraire absolu de ce qu'ils nient. Comme par exemple, ils vont ramener, quand ils parlent d'Allah, ils vont parler d'Allah subhanahu wa ta'ala que par des négations. Hein? Ils vont dire, par exemple, des choses graves même, des choses que un croyant, il a honte de mentionner, de parler de cette façon-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Comme par exemple, lorsqu'ils disent Allah n'est pas un endroit, Allah n'est pas dans un espace, Allah n'est pas dans une couleur, Allah n'a pas de mouvement, Allah n'a pas de forme, n'a pas de, il y a toutes sortes de négations comme ça qu'ils ramènent de leur propre tête ou qu'ils tirent des livres de philosophie, hein, des Grecs ou autres, et ils commencent à faire des séquences de négations comme ça, sans rien affirmer. Et comme Cheikh Mohamed Aman il expliquait, il mentionne que le fait de nier ces choses-là, ça n'implique aucune perfection. Hein, le fait de nier ces choses-là, ça ne rajoute rien. Hein, et ça n'implique pas non plus une perfection à Allah subhanahu wa ta'ala, puisque il n'affirme pas le contraire, le parfait contraire ou opposé, l'opposé de ces négation là. Comme par exemple, nous quand on dit Allah ne fait pas d'injustice, on dit c'est-à-dire qu'il a la justice parfaite. Puisqu'il y a plein d'autres créatures qui ne font pas d'injustice. Hein? Par exemple, tu vas dire, comme Cheikh Ibn Uthaymeen il expliquait, il disait si tu dis à propos du mur qu'il ne fait pas de l'injustice, est-ce que c'est une glorification pour le mur? Non! Parce que le mur, le fait qu'il ne fait pas d'injustice, c'est pas une glorification parce qu'il ne fait pas de justice non plus. Hein? Il ne fait pas de justice non plus, et c'est pas une glorification donc pour le mur de dire ça à son sujet. Hein? Ou bien il y a plein d'exemples comme ça. Donc si tu dis par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il ne mange pas. Hein? Il n'a pas besoin de manger. C'est-à-dire que on affirme l'absolu contraire de ça. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il se suffit à lui-même. Il est parfait. Il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien. Parce qu'il se suffit à lui-même. Donc, ça c'est une glorification. Mais si tu dis à propos d'une roche, hein, elle ne mange pas, c'est pas une glorification. Hein? Il n'y a pas de glorification là-dedans. Hein, parce que de toute façon la roche elle ne fait rien non plus, elle n'a aucun pouvoir, et tu peux l'écraser ou faire ce que tu veux avec, la mettre en poudre. Donc la négation à elle tout seule, c'est pas nécessairement une preuve de purification ou de glorification. Et c'est pour ça que la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est pas seulement de nier, mais c'est aussi d'affirmer. Hein? Et quand on affirme tout ce qu'Allah a affirmé comme nom et comme attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce sont des noms de perfection et des attributs, hein, de perfection et de glorification, hein, qui montrent la grandeur d'Allah, et en même temps quand on fait la négation, eh bien on fait la négation des imperfections et des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a signées pour lui-même, et on affirme le parfait contraire de ces négations là. Ensuite le cheikh dit wal mutahadliq huwa alladhi yuzhir al-hadq. Hein? Wa huwa laysa bihadiq. Al mutahadliq, c'est la personne qui veut se montrer intelligente alors qu'elle n'est pas intelligente. Hein? Et Ibn Taymiyyah les a appelés de cette façon-là, il les a décrits comme ça, c'est-à-dire il a décrit les gens de kalam par cette qualificatif-là. Hein? Et il dit ensuite فطريقة أهل الضلال أنهم يأخذون بعض النصوص ويتركون بعضا يعني يأخذون ما يظنون أنه يؤيد قولهم ويتركون ما يخالف قولهم كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني يأخذون المتشابه من الآيات ويتركون المحكم منها، والعالم الراسخ يأخذ كلام الله كله ويفسر بعضها بعض ببعض ويرد بعضه إلى بعض ويرد المتشابه إلى المحكم، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض، وإنما يعمل بكتاب الله كله. فإذا استدل أهل الزيغ على مذهبهم بالآيات التي تدل على تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين على نفي الأسماء والصفات لأنها بزعمهم تدل على ذلك، قلنا لهم إن أسماء الله وصفاته لا تدل على ما توهمتم، فإن إثبات الأسماء والصفات لا يلزم منه تشبيه الله بخلقه في أسمائه في أسمائهم وصفاتهم، بدليل أن الله أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى عن نفسه التشبيه، فنحن نثبتها على وجه يليق بجلال الله، فليست الأسماء كالأسماء وليست الصفات كالصفات، فنحن عملنا بالأدلة كلها ولم نأخذ ببعض دون بعض كما فعلتم. Donc on va terminer le cours d'aujourd'hui avec ce point. Le cheikh il dit, donc la voie des gens de l'égarement, c'est qu'ils prennent uniquement une partie des textes et ils laissent l'autre partie. Et ils prennent ce qu'ils pensent être en accord ou ils prennent ce qu'ils pensent supporter leur position et ils laissent de côté ce qui contredit leurs paroles. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 7, dans Surat Al-Imran, lorsqu'il dit par exemple, et ceux qui ont une déviation dans le cœur, ils suivent ce qui est équivoque, c'est-à-dire ce qui peut être interprété de différentes façons. Ils prennent ce qui est mutashabih, hein, parmi les versets, et ils laissent de côté ce qui est explicite et clair et qui ne peut avoir qu'une seule signification, ce qui est muhkam. Tandis que le savant qui est fermement enraciné dans la science, eh bien, ils prennent la parole d'Allah en entier et ils l'interprètent l'un par l'autre. Hein, c'est-à-dire que quand ils voient un verset équivoque qui peut avoir plusieurs sens, ils prennent ce verset-là et ils le ramènent au verset explicite qui le clarifie. Et ils ramènent donc les textes les uns avec les autres pour les harmoniser, pour les mettre ensemble, pour les comprendre les uns les autres. Tandis que يرد المتشابه إلى المحكم, c'est ça. Donc les gens de la sunna, les gens qui sont fermement ancrés dans la science, ils ramènent qu'est-ce qui est mutashabih, qu'est-ce qui est équivoque, à qu'est-ce qui est explicite, et ils ne vont pas faire frapper les versets du Coran les uns contre les autres, ils vont plutôt agir et appliquer le livre d'Allah en entier. Donc le cheikh il dit, وَإِذَا اسْتَدَلَّ أَهْلُ الزَّيْغِ على مذهبهم بالآيات التي تدل على نعم. Donc le cheikh il dit, quand on voit ces gens de déviation parmi les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya qui nient les attributs d'Allah, quand ils essaient de ramener des versets pour essayer de supporter leur position, hein, et qu'ils prétendent que ça c'est la preuve qu'ils utilisent pour purifier Allah subhanahu wa ta'ala de ressembler à ses créatures en niant les noms et les attributs d'Allah, eh bien, pourquoi? Parce qu'eux, ils pensent que ces noms et ces attributs que Allah a mentionnés dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés dans la sunna, ils pensent que ça indique une ressemblance avec la créature. Et ils disent que donc quand Allah parle de lui-même dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, quand il parle d'Allah, hein, ils disent ça indique une ressemblance entre le créateur et la créature. Donc nous on leur dit, les noms d'Allah ainsi que ses attributs n'indiquent pas, ne prouvent pas ce que vous pensez ou ce que vous vous imaginez. Parce que l'affirmation des noms et des attributs d'Allah n'implique pas du tout une ressemblance entre Allah et sa création dans les noms et dans les attributs. Et la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il se les est affirmé pour lui-même. C'est-à-dire que Allah s'est affirmé pour lui-même ses noms et ses attributs-là. Et il a nié en même temps toute ressemblance avec sa création. Donc nous, on affirme les attributs que Allah s'est affirmé et celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, on les affirme de la manière qui convient à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a, le cheikh il dit donc les noms sont, donc ces noms là ne sont pas les mêmes que les noms des créatures, les noms d'Allah ne sont pas les mêmes que les noms des créatures, et les attributs d'Allah ne sont pas comparables non plus aux attributs des créatures. Donc il y a les noms ne sont pas les mêmes que les noms d'Allah ne sont pas les mêmes que celles des créatures, et les attributs d'Allah ne sont pas les mêmes que celles des créatures, et en agissant ainsi, on a appliqué toutes les preuves et on n'a pas pris une partie des textes en laissant l'autre partie comme vous l'avez fait. Donc ça c'est la réponse à propos de ce point-là. Et donc on va continuer au prochain cours inshallah la suite bismillah. Donc donc, on va continuer au prochain cours la suite de ces explications-là. Donc, on voit que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a établi les bases, les principes et les points les plus importants. Bientôt, on va commencer dans la clarification des paroles des salafs. Et vous allez voir, c'est très, très intéressant, inch'Allah. Donc on s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.